Activité 4, page 57. Piste 42. A. Il fait un mouvement du genou gauche. B. C'est la force des bras. C. Elle a une légère douleur de la tête. D. Une malade de l'oreille peut faire mal.